Exercice 4. Quelle force il a ! 1. Qu'est-ce que vous avez comme chance ? 2. Quelle imagination tu as ? 3. Comme elle est étourdie ! 4. Que je suis fatigué. 5. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? 6. Comme j'ai eu peur. 7. Qu'est-ce qu'elles sont intelligentes ?